C'est pas isolé du tout, ni phoniquement, ni par la chaleur, quoi. On n'est pas coupé du monde. Ça, c'est la, la salle la plus grande. Et je crois qu'on peut mettre 600, 500 ou 600 personnes, je crois. Je crois que c'est ça.